passe de fric à être fraîche comme une mine. Moi je veux juste être une étoile pour toujours jeter les poils avec toi. Je sais que tu me manqueras. Ce qui compte, c'est transformer jeune en vieux. On croit en Dieu quand on n'a pas mieux. Quand on n'a pas de corps à se mettre sous la dent, on peut passer sa vie à faire semblant d'être un adulte responsable, un bon citoyen. À la fin, il n'en restera rien avec toi. Je veux pas être malheureux, je ne veux pas me mettre à pleurer dans les bras de mon amoureux. Le pire, je suis complètement paumé. Je ne veux pas tenir au Sénat ou faire la pub pour des magistrats. Je pense fermer les étoiles alors que moi je jette les voiles avec toi. Après, il ne restera que des ruines, mes bras autour de tes hanches fines. Constatera les dégâts d'un monde qui se reconstruira. Je t'aime pour toujours.